Par contre, ce qu'il y a entre les deux oreilles, là, on a quand même un rôle à jouer. C'est vraiment, le mot est bien choisi, c'est vraiment une question de confiance. Confiance, par exemple, que si le Seigneur ne nous montre pas le sens de ses paroles, ben on va étudier un texte et on va passer complètement à côté. On est dans Matthieu. On est rendu à Matthieu 17. La semaine dernière, on a vu la bande-annonce de la deuxième venue de Christ, de son retour. On a vu la transfiguration, un aperçu de sa gloire à venir. Et de comment elle va se manifester. Ce matin, on va parler d'utiliser le feu pour combattre le feu. C'est une expression qu'on entend souvent, mais y avez-vous déjà réfléchi? Mettons que vous venez de mettre le feu à un champ sec, là, vous jouiez avec de l'essence, puis c'était pas permis. Votre papa avait dit non. C'est arrivé, en tout cas, il semblerait que ça soit arrivé à quelques-uns. Puis là, on vous dit, si tu veux éteindre le champ, prends du feu. Mais ça n'a pas de sens. Elle veut dire quoi, cette expression-là? Bon, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? OK, tu as essayé d'en faire une application. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là? Le champ est vraiment en feu. Effectivement, les pompiers des forêts, je ne sais pas comment les appeler, font ça. Hein? Ils essaient d'enlever la nourriture au feu avant que le feu se rende. Oui, Luc? De l'eau avec de l'essence, essayez pas ça. Essayez pas de mettre le feu d'abord, puis essayez pas de l'éteindre avec de l'eau, si vous avez utilisé de l'essence. Hein? Ah, tu pourrais être surpris. Ils ont de la mousse aussi dans leur camion. Ils sont prêts à tout. Qu'est-ce qu'on veut dire? Combattre le feu par le feu, hein? On veut dire on prend quelque chose de radical pour combattre un problème radical. C'est ça qui alimente le feu, tu veux dire? Le vent. Le vent, effectivement, va fournir de l'oxygène au feu. Quoique, si, en tout cas. Mais gardons de cette expression-là, on doit prendre quelque chose de radical pour combattre quelque chose de radical. Il faut un remède puissant pour un problème grave. Il faut un remède puissant pour un problème grave. Et ce matin, je vais revenir avec cette image-là de « il faut combattre le feu par le feu ». Je vais l'appliquer à « on doit se repentir de nos doutes ». Nous devons nous repentir de nos doutes. Nous devons combattre le feu par le feu. On va aller lire Matthieu 17 à partir du verset 14. C'est bon? Un peu de contexte, peut-être. Jésus est allé sur une haute montagne, c'est là, avec trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. C'est là que s'est déroulée la transfiguration. Et là, ils sont en chemin, ils reviennent de cette haute montagne, donc ils descendent. C'est là qu'on est, là, exactement. Il n'y a pas eu d'autre action entre l'événement qu'on va regarder aujourd'hui et la transfiguration. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, donc il y a une foule là, qui les attend, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit, « Pardonnez mon ton de voix, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Oh, vous savez! Avec mon expérience, c'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. J'arrête là, dans Matthieu. C'est le passage qu'on va regarder aujourd'hui. On va le regarder avec la pensée de nous devons nous repentir de nos doutes. On doit combattre le feu par le feu. On va voir comment entre autres, se repentir de ses doutes. C'est peut-être pas évident dans Matthieu. Dans Matthieu, on a certains des éléments d'information, mais le passage le plus consistant sur cet événement-là, c'est dans Marc. Il faut absolument aller le lire. Marc 9. On a besoin des deux. Le Seigneur n'a pas fait ça par hasard. On a besoin des deux passages. Le contexte de Matthieu, les grandes lignes de l'Évangile de Matthieu, comment Jésus est présenté, c'est comme le maître parfait. Maître ici n'est pas tant dans le sens de maître d'un esclave, plutôt le rabbi. Rabbi, ça dépend comment ça résonne dans vos têtes. Hein? Pour nous, on voit ça comme une espèce de gourou un peu étrange. Pas nécessairement dans la tête des Juifs. C'est quelque chose de bien, un rabbi. Mais là, c'est le maître parfait. Parfait. Celui qui parle avec autorité, c'est le Messie attendu. En plus d'être le maître parfait, c'est aussi le Messie attendu. Et ça transparaît, entre autres, dans le passage qu'on étudie dans Matthieu. On est rendu dans Marc, Marc 9, on va commencer au verset 14. On va se rendre jusqu'à 29. Comme vous voyez, il est un peu plus long sur l'événement. Même chose qui est dans Marc, ce qui vient juste avant, c'est le retour de la transfiguration. On a le même contexte. Il n'y a rien de différent qui précède. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc Jésus et les trois reviennent auprès des neuf, et peut-être d'autres disciples, mais au moins auprès des neuf, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux, avec les disciples, les neuf. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise ou stupéfaite. Ah. Et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, et si on va voir dans le texte, il leur demanda, je ne suis pas expert en grec, mais il semble qu'il demande aux scribes, il ne demande pas aux disciples, il demande aux scribes, sur quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. » On a plus de détails ici. Là. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. Littéralement, il le déchire. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. En passant, là, si vous doutiez que c'était peut-être une maladie, au début de Matthieu, on se demande si c'est une maladie. Non, plus tard dans Matthieu, on sait que c'est un démon. Là, c'est clair, dès le départ, c'est un démon. C'est pas de l'épilepsie, c'est pas un trouble physiologique, neurologique, ce que vous voulez, un trouble psychologique. C'est un démon. C'est pas une erreur de dosage dans sa médication. Un dérèglement hormonal. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Exactement les mêmes paroles. Amenez-le-moi. On le lui amena. Donc, on comprend que quand le Père vient voir Jésus, le Fils n'est pas nécessairement immédiatement dans la proximité de Jésus et du Père. Il faut qu'il aille le chercher. Il n'est peut-être pas loin, mais il n'est pas juste à côté. Oui? Et perverse. Ouais. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer, le démon, l'esprit, le fit entrer en convulsion, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Je suis ému. Mettez-vous à la place du Père. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant courir la foule, donc on comprend ici que la foule n'était pas toute autour de lui à ce moment-là, c'est une foule nombreuse. Jésus, oui, la foule accourt pour le saluer quand il arrive, mais elle ne se déplace pas nécessairement toute autour de Jésus pour le déroulement de l'action à ce moment-là. Et là, on devine que la crise, ou on ne sait pas quoi, la crise de convulsion que le démon déclenche quand il rencontre Jésus, ça attire l'attention. Donc Jésus, qui voit courir la foule, menace l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. On a aussi le même passage raconté dans Luc. Dans Luc, on apprend en plus que c'est le fils unique du Père. On apprend aussi que quand Jésus dit, amenez-le-moi, il dit au Père, amène ton fils ici. C'est au Père qui dit, amène ton fils ici. C'est pas mal les principales différences que j'ai notées dans Luc. Mais le plus d'informations se trouvent dans Marc. Mais on a besoin des informations de Matthieu, absolument. On va juste essayer de s'arrêter à réfléchir à ce passage-là. Le Père, d'après ce qui est dit ici, ouais, on va y aller du début. Les informations qu'on a là, ça nous dit que c'est une situation de possession qui est d'assez longue durée, depuis que l'enfant est jeune. On comprend que ça a engendré beaucoup de souffrance pour cette famille-là. Le démon veut le faire mourir. Un démon, ça ne cherche pas une maison où habiter. Les anges déchus, leurs chefs et les autres, ça cherche à détruire l'œuvre de Dieu. C'est ça que ça cherche à faire. Pas habiter quelque part pour se reposer. Alors, le démon veut le faire périr. Et il s'y prend plutôt bien. Se jeter dans le feu, en général, c'est mauvais pour la vie. Se jeter dans l'eau aussi. D'après ce que dit le Père, il venait voir Jésus. On ne sait pas trop c'est quoi sa conception de Jésus. Un guérisseur qui a une certaine notoriété, peut-être. Mais Jésus n'est pas là quand il arrive. Il tombe sur ses disciples. Et ses disciples essayent de le guérir, échouent. Eux qui pourtant ont chassé des démons avant ça. Jésus les a déjà envoyés, les douze, avant ça, avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus les a envoyés en son nom dans les villes où lui-même allait passer. Ils étaient vraiment mandatés par Jésus et envoyés au nom de Jésus. Là, ici, ils se retrouvent dans une situation où on dirait qu'ils improvisent un peu. Gardez ça en tête. Bien qu'ils aient déjà chassé des démons, là, celui-là, ils n'ont pas réussi. Et Jésus les trouve en train de discuter avec les scribes. De quoi pouvaient-ils bien discuter, pensez-vous? De ce qui vient de se passer. Spéculons un peu. Ça devait être une discussion enrichissante et qui était propre à susciter la foi en Jésus. Qu'en pensez-vous? En accord avec les Écritures, avec vraiment l'esprit des Écritures, là, le cœur de Dieu, pensez-vous? Au chapitre 16, on a vu ça dans un enseignement précédent avec Guillaume, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens, le levain étant l'enseignement. » Ici, c'est pas les pharisiens, mais pas très loin non plus. C'est les scribes, les docteurs de la loi, qui n'ont pas trouvé Jésus dans la loi, qui pourtant est là pour parler de Jésus. C'est une discussion vaine. C'est à ce moment-là que le Père intervient et dès le début, il supplie Jésus. On voit dans Matthieu qu'il tombe à genoux. C'est bien de supplier Jésus. Mais Jésus ne guérit pas juste parce que le Père est venu le supplier. Et là, on a les premiers éléments d'information sur ce qu'il vit avec son fils, sur ce que son fils vit. Quand le Père commence à expliquer sa situation à Jésus, il donne, je ne dirais pas des symptômes, le mot n'est pas assez fort, mais il explique la situation. Il dit pas, il n'a pas le temps de tout dire. Parce que quand il dit, je l'ai amené tes disciples, puis tes disciples n'ont pas pu le guérir, là, Jésus dit quelque chose, il faut s'y arrêter. J'ai pas d'autre façon que d'appeler ça un reproche. Et un reproche sévère. Il y en a quelques-uns des reproches sévères que fait Jésus. Et il faut, je pense, se forcer à pas voir Jésus comme méprisant, parce que c'est pas ce qu'il est, c'est pas son cœur. En même temps, il exprime ce qui est important, ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Vraiment, ici, dans le reproche de Jésus, là, on a un indice sur le comment c'est sérieux pour Jésus, l'incrédulité. Et la première question qu'on doit se poser, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse? Bon, Jésus leur répondit, c'est pas très précis, race, ou même mot, c'est le même mot que génération. Dans Matthieu, ça a été déjà utilisé au moins deux fois, puis c'était dans le contexte de une génération méchante et adultère demande un miracle, ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. C'est très large. Sauf qu'ici, tout le monde est dans le même bain. Jésus, il prend pas de gants blancs pour distinguer ses disciples de ça. Parce que ses disciples ont été incrédules. Ça, c'est clair dans le texte, dans Matthieu 17. On l'a vu. C'est à cause de votre petite foi. Jésus est sévère, y compris avec ses disciples ici. Peut-être qu'il s'adresse à toute la nation juive qui est incrédule en général et qui le rejette. Peut-être qu'il s'adresse en particulier à ses disciples, devant tous. Je dis bien peut-être, je ne veux pas trancher, mais... Et là où j'ai essayé d'éviter de donner un ton de voix, mais j'ai beau retourner le texte de plusieurs façons. Les mots que Jésus utilise, sont très forts. Incrédule, c'est clair, c'est le contraire de la foi, manque de foi. Mais perverse, on ne parle pas de perversion sexuelle ici. Puis Jésus n'insulte pas. Quand Jésus dit un mot, c'est parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, perverse? C'est une notion de le mot peut avoir plusieurs sens, là, mais il est question de corrompre, il est question de se détourner, oui. Il est question de résister au plan de Dieu, de révolte même. Il y a vraiment une notion ici là, d'endurcissement. Et deux fois, là, Jésus dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais c'est pas supporter, je vous soutiens, je vous encourage, c'est je vous endure. C'est très fort. Dans King James, ils ont rendu ça par suffer, to suffer. On sait que Jésus ne méprise pas et ne naïe pas. Il n'est pas en train de se plaindre ici. C'est pas une plainte. Mais ça nous dit à quel point c'est sérieux pour lui. Autant que ça lui déplaît, l'incrédulité en question, autant la foi lui plaît. Amenez-le-moi ou amène ton fils ici. Je me mets à la place du Père. Sûrement déçu de l'échec des disciples. Et là, Jésus fait un reproche à tout le monde, disciples y compris. Puis il dit, amène ton fils ici. Ah! Il y a peut-être encore un peu d'espoir. Il n'a pas cherché à excuser ses disciples, en tout cas. Alors, Jésus demande un geste concret au Père. Amène ton fils ici. Le Père le fait. Et là, la crise violente. Ouf! Ça ne doit pas encourager le Père, ça. Le Père doit passer par une certaine palette d'émotions. Ah non, il est habitué. Vous pensez qu'on s'habitue? Une crise violente, là. Donc, il y en a des crises, des fois, celle-là est violente. Et là, Jésus s'empresse tout de suite de guérir le Fils. Non. Depuis quand est-ce que ça lui arrive? Si j'étais le Père, j'aurais pas vraiment envie de discuter, là. Il me semble, on peut le... Je spécule. Je fais juste réfléchir avec vous. Mais le Père répond. Il finit la liste des difficultés qu'il rencontre. Alors que lui-même doit être en train de souffrir d'avoir son fils qui fait une crise là, devant eux. Mais Jésus amène le Père à exprimer ce qu'il y a dans le cœur, son incrédulité. Comment le Père va l'exprimer? Si tu peux. Il a beau dire « aie pitié », en même temps il dit « si tu peux ». C'est beau de voir que Jésus ne lui rentre pas dedans. Alors Jésus ramène la question de... La question, ce n'est pas ma capacité. La question, c'est toi, est-ce que tu crois? Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du père? Je suis venu voir peut-être un guérisseur, mais lui, il parle avec autorité. Le père, là, il comprend ce que Jésus lui dit. Le père, il résiste pas. C'est vrai, je suis incrédule et je peux pas te le cacher. Et malgré cette incrédulité-là, j'ose déclarer, permettez-moi de paraphraser, OK? Encore une fois, c'est pas dans le texte. Mais c'est juste pour nous amener à réfléchir sur... C'est des choses qui se passent très vite, puis notre pensée, je le sais, n'est pas structurée comme ça dans la vraie vie. Mais il faut que le cœur passe par là. J'ai écrit une petite paraphrase, là, juste pour essayer d'illustrer ce qui a pu se passer dans sa tête. Admettons que c'est le Père qui parle. Il est inutile d'essayer de te cacher l'incrédulité avec laquelle je lutte encore, puissant maître qui parle avec autorité. Néanmoins, j'ose déclarer que je crois en toi, je reconnais que tu n'es pas comme le reste des hommes. Je reconnais ma propre incrédulité et j'en prends la responsabilité. C'est pas de la faute de Dieu qui m'a créé incrédule, qui m'a pas donné à cette foi, ou de la faute de n'importe qui d'autre. Et pour prendre conscience de sa propre incrédulité, il faut que cet homme-là ait été éclairé par Dieu. Même si des doutes subsistent en moi, je les renie, je les désapprouve et je veux lutter contre eux. Seigneur, c'est toi que j'implore pour ma délivrance de cette incrédulité. Le Père s'est tourné vers la seule et unique personne en mesure de le secourir. Le feu par le feu, le remède puissant, dans ce cas-ci, c'est le seul remède. Au problème mortel de l'incrédulité. C'est ce que Jésus attendait. Il guérit l'enfant à ce moment-là. Et la guérison de l'enfant, c'est le sceau d'authentification de la foi naissante dans le cœur du Père. C'est la démonstration de la sincérité du Père. Alors, il s'est repenti. Et cette foi toute fragile, toute vacillante, a été honorée par Jésus. Ça fait écho à un autre passage, hein? Dieu éteint pas le lumignon qui fume encore et qui ne peut plus brûler. Alors, il y a deux miracles qui ont été opérés dans cet épisode-là, si je peux dire. Oui, à la guérison du fils. Mais il y a la foi dans le cœur du Père. Est-ce qu'on voit toute la guerre spirituelle qui se déroule là, dans ce récit-là? C'est pas juste une guérison. Et là, on a la deuxième partie, en privé, des disciples vont voir Jésus, lui demandent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi? » Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le reproche de Jésus, c'est certain. Mais ils vont quand même voir la bonne personne. Vers qui irions-nous? Jésus leur dit directement, clairement, directement, Comment est-ce que ça se fait qu'ils ont pu chasser des démons avant? J'ai pas de réponse tellement précise là-dessus, mais on n'est pas toujours constant dans notre foi, nous non plus. Ici, ce qui est clair, c'est que le problème, c'est qu'ils ont été incrédules. Ils ont eu une petite foi. On peut prendre l'exemple de Pierre quand il a marché sur les eaux. Il a commencé par marcher sur les eaux. Il a fallu qu'il fasse quelques pas. Il n'a pas fait ces quelques pas-là par lui-même. Mais là, il a eu peur. Ça vacille des fois, la foi. Souvent. Et pour rien aider, il discutait avec les scribes. Puis il y a ce drôle de verset à la fin des passages qui dit « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. » C'est comme si là, la raison de pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est complètement différent, c'est qu'il y a d'autres sortes de démons, puis qu'il y a une autre recette d'exorcisme. Ou alors, Jésus n'a pas changé de sujet, puis il parle toujours du même sujet. En tout cas, j'ai beau chercher, je n'ai pas vu qu'il y avait des types de démons avec des méthodes d'exorcisme différentes. Dans les Écritures, je n'ai pas vu ça. Peut-être dans un ouvrage au Moyen-Âge sur l'exorcisme, vous trouverez ça, mais moi, je n'en ai pas vu dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, donc? Parce que dans Matthieu 17, là, il ne leur parle pas de la sorte de démon pour commencer, il ne leur parle pas d'une recette, il leur parle de leur incrédulité. Et c'est encore ce dont il leur parle en disant qu'il faut jeûner et prier. À quoi ça sert? Jeûner et prier, ça sert à chercher la face de Dieu. À se concentrer, à chercher la face de Dieu. Et on met de côté tout ce qui peut nous déranger. On porte une attention particulière à ne pas laisser de place à la chair. Donc, jeûner, ce n'est pas juste une privation de nourriture, c'est vraiment un état de cœur. Sert à se concentrer pour chercher la face de Dieu. Et prier, c'est pas juste parler à Dieu. Et oui, ça en fait partie. Dieu parle lui aussi. Et prier, c'est aussi écouter Dieu. Pour Jésus, c'est la foi qui compte. Et il est très sérieux. Alors nous, je pense que vraiment, ce passage-là nous montre à imiter le geste du Père, dans toute sa faiblesse et sa fragilité. Il s'est repenti, pas contesté son incrédulité. Il s'est tourné vers la seule personne qui pouvait le secourir. Et ce n'est pas notre tendance naturelle. Alors, est-ce qu'on vit de l'incrédulité? Peut-être qu'on vit de l'incrédulité et qu'on ne connaît pas du tout le Seigneur, le Maître ici, qui veut nous guérir de notre incrédulité. On a exactement la même chose à faire pour le connaître. Mais peut-être qu'on le connaît déjà, puis qu'on lutte quand même avec de l'incrédulité dans certains domaines de nos vies. En fait, c'est pour moi que c'est écrit, parce que moi j'en ai. Je lutte avec, mettons, certains traits de caractère et que je suis découragé par moments. Plus je suis découragé, moins je me tourne vers Jésus. Je suis comme honteux d'aller le voir avec ça. Puis je suis sûr que vos têtes travaillent en ce moment. En tout cas, j'espère. Mais vraiment, par la foi, là, approprions-nous ce que Jésus a fait là. Le père du lunatique ici est un homme de la même nature. Et Jésus veut faire cette œuvre-là dans chacune de nos vies. Je termine avec Hébreux 12:2. En fait, Hébreux, on va commencer à 12:1. Puis on va finir à 12:2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est-tu grand, un nuage? Bon, vous allez vous dire qu'il y en a des petits, mais les grains, ils sont grands. Si jamais vous n'aviez pas fait le lien entre nuée et nuage, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parenthèse, on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. Et toutes sortes d'êtres célestes qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Et ils vont tout faire pour que votre foi vacille. Donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve. Ici, il y en a une image sportive, là. Une course ou même un combat. Ce mot-là va être rendu par combat ailleurs. Qui nous est proposé. Les yeux fixés sur Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est littéralement, c'est détournant les yeux vers Jésus. Ce que vous regardiez avant, là, regardez-le plus. Donc, les yeux fixés sur Jésus. Lâchez-le pas, là. Qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Celui qui fait naître la foi. Parce qu'on a prince, chef et consommateur dans un sens qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Celui qui l'amène à la perfection. Est-ce que vous croyez qu'il veut faire ça? Est-ce que vous croyez qu'il veut le faire pour vous? Pour nous. C'est bon pour moi. Oui. La seule chose assez puissante pour éteindre l'incrédulité, pour la révéler et l'éteindre, c'est Jésus. Cherchons pas à nous adresser à quelqu'un d'autre. Est-ce que